Montrez-nous la voie, j'ai peur qu'on soit perdu tout seul. C'est sans repère et sans boussole qu'on meurt avec tout ce seum. L'État se voit la face, c'est dur pour un pays raciste. Et quand on ouvre nos gueules, pas l'État répond, c'est très massif. On a la boule au ventre depuis que Marine et Marianne. Je comprends depuis ce temps pourquoi Marie m'est malade. Je suis carnassé depuis qu'on m'a raconté trop de salades. Antifacho depuis que j'ai entendu les mots sale race. On tisse des liens pour les déchirer après. On fait la guerre et pas la paix. Quand la haine, on finit par la plaie. On reste en chien, donc la colle, on finit par la paix. C'est à bout de souffle qu'on vient rapper, ou je crois même plutôt en apnée. Mentalité biaisée, mentalité je vais baiser. La loi du plus gore, t'as qu'on se batte les couilles des oppressés. C'est à celui qui fera l'enculé la plus grosse putain. L'État tire les ficelles à croire qu'on est des gros pantins. La colombe part depuis qu'on se donne des noms d'oiseaux. Avoue que le love and peace s'écarte et que la haine rafale à coups d'assaut. Et les catons s'emparent du monde avec un gros lasso. La maille des pauvres aux riches et par le monde avec un goût de lardo. La colombe part depuis qu'on se donne des noms d'oiseaux. Avoue que le love and peace s'écarte et que la haine rafale à coups. Et les catons s'emparent du monde avec un gros lasso. La maille des pauvres aux riches et par le monde avec un goût de lardo. Si on monte les dents, pas facile de marcher. Nos mots ont kiffé le vent de face quand nos dissidents crachaient dans le dos. La reconnaissance est finie depuis des années. Le respect est damné et ça fait depuis la naissance. J'avoue avoir peur depuis voir le soleil se lever. Quand je vois qu'à 7 heures c'est l'éternel sommeil qui est donné. On se dit frère alors qu'on se traite de fils de pute. On a le vice de thune, on vise un but qui s'éclipse au vu de la lune. On a pour raviver la flamme, l'amour crève à petit feu. Un pétard éclatiseux avec les diables on pactiseux. Je crois que l'amitié c'est d'art que c'est genre un rêve factiseux. Quand c'est trop tard on n'est pas pisse contre les cicatriceux. On voit plus rien aveuglé depuis qu'on se porte l'œil. Où t'as vu que la vie c'est fun quand tu dois supporter le deuil. J'avoue que je prends mon temps pour remettre les pendules à l'heure. Y'a qu'une valeur montante mon frère, c'est l'âme des personnes que l'on pleure. La colombe part depuis qu'on se donne des noms d'oiseaux. Avoue que le love and peace s'écarte et que la haine rafale à coups d'assaut. Et les catons s'emparent du monde avec un gros lasso. La maille des pauvres aux riches et par le monde avec un goût de lardo. La colombe part depuis qu'on se donne des noms d'oiseaux. Avoue que le love and peace s'écarte et que la haine rafale à coups d'assaut. Et les catons s'emparent du monde avec un gros lasso. La maille des pauvres aux riches et par le monde avec un goût de lardo. On se tire dans les pattes pour pas être le dernier de la course. Pour pas être le dernier de la classe, pour pas mourir devant la source. Savant la peau des sauces avant qu'ils soient tous décédés. Nous rêves sous pendaison, c'est chaud depuis qu'on l'a tous décidé. Vas-y rembat ta langue, mais par chez moi y'a plein de talent. Facile de cracher sur le génie depuis que les gens éclatent sa lampe. Avoue que c'est œil pour œil, avoue que c'est clan pour clan. Quand y'a du clan comme elle qui coule, on sait que c'est 100%. Maintenant c'est bis et maille, mais que c'est genre un truc viscéral. C'est dark crash du venin quand ça se met bien dès qu'une tête visse et baille. On préfère l'esprit fédaille que d'être pisse et hal. Trop tard ça se tend la main entre cartins, c'est l'entrée qui s'écaille. Y'a pas que dans le poker qu'y'en a qui font les faux jetons. C'est l'automne dans nos vies, bah ouais on attend pas que les feuilles tombent. On sent concerné et cerné par vos conneries. Faut conserver la foi serrée dans l'espoir en insomnie. La colombe part depuis qu'on se donne des noms d'oiseaux. Avoue que le love and peace s'écarte et que la haine rafale à coups d'assaut. Et les catons s'emparent du monde avec un gros lasso. La maille des pauvres aux riches et par le monde avec un goût de lardo. La colombe part depuis qu'on se donne des noms d'oiseaux. Avoue que le love and peace s'écarte et que la haine rafale à coups d'assaut. Et les catons s'emparent du monde avec un gros lasso. La maille des pauvres aux riches et par le monde avec un goût de lardo.